une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. En ce jeudi 1er mars, bienvenue sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Salutations à tous nos auditeurs de partout. On apprend par les voies électroniques, on a des auditeurs aujourd'hui en Grèce. Donc, à tous les Grecs, Kalispera. Un des seuls, des rares mots que je connais en grec. Et salut à Jimmy, notre auditeur, notre grand auditeur, un régulier à l'émission. Et bien sûr, bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale. Une autre émission chargée aujourd'hui. On va parler nouvelles ludiques, comme à l'habitude, mais on va faire aussi deux chroniques. Monsieur Andrew Castegan, chroniqueur habitué de Puissance Maximale, salut. Bonjour Monsieur Michaud. Ça va bien? Ça va toujours très bien. Et de quoi tu vas nous parler cette semaine? En fait, je vais vous parler de Soul Calibur 5 sur PlayStation 3, un jeu qui est sorti au début février, fin janvier, et une petite nouvelle du monde de l'animé indiste Waka Waka Waka Waka. Et on ne parle pas de Shakira ici. Et moi-même, j'aurai la chance de faire une chronique. En fait, je vais reprendre un peu ma chronique des mods sur Skyrim. J'ai fait ça très rapidement la semaine dernière, mais je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus longtemps. Il va falloir aussi expliquer pourquoi j'ai fait référence à des productions pornographiques à bas budget. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et on va y aller aussi avec des nouvelles, mais on va commencer tout d'abord en musique, comme à l'habitude, avec le Nahul Band, que les gens connaissent du donjon de Nahulbuck, avec une chanson qui s'appelle « La vie d'aventurier ». Vous entendez ça à CKIA FM 88.3 à Québec, à l'émission Puissance Maximale. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras niveau 2? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. J'y mettrai des flèches magiques du genre qui t'arrache un bras. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des squelettes à poutrer. Quand j'aurai mon niveau 4, j'achèterai un cheval. Je sais pas vraiment monter, tant pis ça m'est égal. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des orques à décimer. Quand j'aurai mon niveau 5, j'achèterai des parchemins pour lancer des sortilèges, même si je suis pas magicien. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des momies à cramer. Quand j'aurai mon niveau 6, j'achèterai une armure. C'est moins facile de courir, mais on évite les fractures. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des trolls à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de en charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des minotaures à tuer. Quand j'aurai mon niveau 8, j'achèterai une baliste pour assiéger les donjons des nécromants cultistes. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des lichards éventrés. Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une vorpale pour arracher aux dragons cette partie génitale. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a un dragon pour tester. J'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, Louis-Philippe, vous êtes bien à Puissance Maximale. Et Puissance Maximale, c'est aussi un site, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver des nouvelles et, bien sûr, nos anciennes émissions. Parfois, c'est peut-être pas à la semaine près, mais on essaye de les mettre le plus rapidement possible sur le site. On a aussi une page Facebook. Vous cherchez Puissance Maximale, vous allez tomber dessus. Et maintenant, grâce à Andrew, une page Google+. Alors, rien dessus, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est tout nouveau d'aujourd'hui. Alors, vous pourrez avoir la chance d'aller vérifier ça aussi sur Google+, quand il y aura du contenu. Et on va commencer avec une chronique. En fait, une suite de chroniques, ce que j'ai commencé la semaine passée en parlant des mods Skyrim. On va y aller vraiment avec, on va prendre un peu plus de temps cette fois-ci pour en parler, parce qu'on est allé un peu à la presse la semaine passée. Mods Skyrim, donc, pour ceux, c'est évidemment des trucs que vous pouvez faire sur votre version PC de Skyrim et non sur les consoles, malheureusement. Donc, moi j'ai toujours dit que ce genre de jeu-là, ça se joue très bien sur PC, et c'est une autre preuve, vous pouvez améliorer votre expérience de jeu avec ces mods-là, ces mods venant de modifications, et vous pouvez agrémenter seulement votre expérience de jeu en faisant des petits ajouts esthétiques, des fois juste avoir des armes de plus, sans être des armes ultra puissantes, mais juste des armes avec un esthétique différent, ou tout simplement tricher. Ou rajouter des guns, ça pourrait arriver. Il y en a des modes, si vous voulez tirer du fusil dans Skyrim, c'est un peu niaiseux, mais il y a quand même un mode Macho Man. Pour ceux qui l'ont pas vu sur Internet, pour ceux qui savent pas c'est qui Macho Man, c'est Randy Savage, l'ancien lutteur de la WWF qui nous a quitté l'année dernière, malheureusement. Et c'est un skin, en fait, qui vient se mettre sur les dragons. Puis on a juste un gros Macho Man qui vole, puis qui crie « Oh yeah !» quand il vient pour cracher du feu. Pour les amateurs de lutte et de choses un peu niaiseuses, c'est excellent. Mais il y a des modes vraiment intéressants que vous pouvez qui peut vraiment agrémenter, puis des fois faciliter un peu votre jeu sans vraiment être des tricks. Par exemple, un mode qui s'appelle, je repasse un peu les modes que j'ai dit la semaine passée, mais vraiment plus détaillé, A Quality World Map, donc avec toutes les routes que vous pouvez retrouver dans Skyrim, à place de dire, il doit y avoir une route là, puis de chercher, parce que dans la carte originale, vous voyez le monde, mais vous ne voyez pas les routes. Moi, en tout cas, vous voyez peut-être les principales. Tu sais, Mike, mon opinion là-dessus, c'est que les routes, c'est pour les faibles. Ouais, c'est ça. Si t'es un vrai Dovahkiin, tu coupes par la montagne. Tu coupes par la montagne, par le bois et advienne que pourra. Mais pour ceux qui aiment bien se promener en cheval et vagabonder sur les routes de la province de Skyrim, ben avec ça, vous pouvez avoir vos routes, puis c'est moins facile de se perdre un peu. Si vous voulez avoir vraiment dans les cheats, par exemple, vous avez le batch. Console Cheats. En fait, comme j'expliquais rapidement la semaine passée, c'est que ça regroupe plusieurs ajouts que vous pouvez faire dans le jeu en trichant, mais que vous pouvez faire en un seul cheat au lieu d'en rentrer 46 000. Comme, disons, vous voulez vous acheter des perks, donc des genres d'habilités qui se rajoutent aux skills du jeu, comme, disons, smithing, mais vous voulez être capable de... Vous voulez être capable de forger des armures faites en dragon, mais au level 1, ben vous pouvez en vous rachetant les perks, mais disons que vous voulez avoir toutes les habiletés d'un coup, ben vous rentrez, y a un petit code à rentrer, puis ça se fait tout d'un coup, pas besoin d'en rentrer vraiment 100, un à la fois. Moi, j'ai fait mon premier personnage à Skyrim en trichant comme ça. c'est vraiment long. Donc, avoir eu ça avant, j'aurais été bien content. Mais c'est vraiment ceux qui veulent vraiment tricher en masse. Tout d'un coup, avoir un bonhomme surpuissant dès le début, c'est une excellente façon de le faire. Autre mode intéressant qui est le Categorized Favorites Menu. Donc, normalement, vous sortez votre menu de favoris, d'items favoris dans votre jeu, et vous avez tout ça à la file finalement. Tout mélangé, peu importe. Mais là, vous allez avoir, ça les sous-divise finalement en armes, vêtements, armures, potions, sorts, cris, les shouts du Dragonborn, les pouvoirs aussi que vous avez, les pouvoirs ratios, les pouvoirs de classe que vous gagnez au niveau du jeu. Mais vous avez tout séparé. C'est plus facile de les retrouver avec les favoris aussi pour les mettre en hotkeys en haut de 1 à 8. C'est plus facile aussi avec ça également. Moi, je trouve que c'est un ajout vraiment intéressant au jeu. Un mode qui est vraiment... C'est pas triché, mais ça c'est pas ça, loin d'eux. Ça nous empêche d'aller un peu tout le temps voyager. C'est le Dovahkiin's Hideout. Donc, finalement, c'est une cave, une énorme... un repère. C'est comme la Dovahkiin's Cave. Un peu là. C'est comme une Batcave version de Dovahkiin, c'est en plein ça. Et où vous pouvez avoir, vous avez beaucoup, beaucoup de mannequins, des coffres en grosse quantité, une énorme salle d'armes, votre propre forge, votre laboratoire d'alchimie, votre table d'enchantement, vous avez une chambre à coucher, vous avez votre propre tavernier et votre propre taverne, vous avez une bibliothèque, vous avez un donjon, et tout ça à la même place finalement. Donc, vous pouvez tout stocker vos affaires là. Pas obligé de... Puis toute cette cave-là, finalement, elle est reliée à toutes les maisons et autres endroits que vous pouvez habiter dans Skyrim. Disons, la tour de mage de Winterhold, les maisons que vous pouvez acheter, comme j'ai dit, le Thief Hideout, le... Mais dis-moi, Mike, oui? Tu me parles que toutes les maisons de chacune des villes sont reliées. Si je regarde la map de Skyrim, puis je fais des lignes entre chaque ville, est-ce que la superficie de ma cave est de cette grosseur-là ou est plus petite? Est beaucoup plus petite. Question niaiseuse, Andrew. Non, en fait, c'est pas vrai. Comme disait mon prof à l'école, il n'y a pas aucune question niaiseuse, il n'y a que les gens qui le sont. Non, mais en fait, faut spécifier. Non, c'est pas aussi grand, Andrew. Mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est quand même assez grand. Et ça vous relie à un autre mode qui est fait par le même développeur qui s'appelle Dovahkiin's Retreat, qui est un petit chalet proche de Winter Run, proche d'une chute. Vous avez une petite forge là, tranquille. C'est comme vraiment un chalet. Ça fait que ça a été rajouté aussi. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment plus pour un gameplay, les gens qui se jouent un peu roleplay, vraiment, là. C'est vraiment intéressant, ce petit ajout-là. Mais le Dovahkiin's Hideout, là, pour le stockage, vraiment intéressant. Il faut faire attention, par contre, quand vous patchez, vérifiez les notes du développeur. Des fois, si vous patchez, ça peut enlever vos items. C'est qu'il faut revenir avec une ancienne version pour trouver vos items. Fait que, bref, faites attention. Puis aussi, en même temps, juste un petit avertissement comme ça, parce que ma conjointe l'a essayé. Si vous installez pas le petit chalet, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il va apparaître sur la map, mais au lieu d'avoir un petit chalet tranquille, vous allez vous faire attaquer par un Sabercat. Ouais, ben moi aussi, il y avait aussi mon chalet, mais il y avait un Sabercat aussi quand je suis sorti la première fois. Donc faites attention. Ben c'est ça, sauf que là, t'auras pas le chalet. Pour te sauver. C'est encore plus plate. Autre mode intéressant, Jesus en fait, mais pas Jésus, mais bien J-A-J-A-Y-S-U-S Swords. Bref, ça c'est un mode qui rajoute des armes, comme je disais, des armes type écossaises, des sabres à la japonaise, un peu comme les sabres des Blades dans le jeu. Vous avez des couteaux, des épées de plus, des beaux trucs intéressants, des fois plus simples. Des fois, moi, je préfère ça quand c'est des graphiques plus simples, quelque chose de plus normal, si on veut, moins fantasy. Mais vous en avez énormément là-dedans aussi. Autre mode intéressant, Time on Loading Screen. Donc, vous êtes en train de changer d'une place à l'autre, votre jeu est en train de loader, vous voyez l'heure, ça a l'air niaiseux, mais quand vous vous rendez compte qu'il est 2h du matin, puis vous travaillez le lendemain, vous faites « Ah, je devrais peut-être aller me coucher. » Autre mode intéressant, Lost Art of the Blacksmith. Ça, c'est un truc que je trouvais vraiment épais. C'est dans le jeu, disons, dans la section impériale, vous pouviez juste faire la full plate, la version heavy armor en gros métal. Mais là, vous pouvez faire toutes les versions impériales en cuir, avec la studded leather aussi, vous pouvez la faire. Et autres trucs du genre comme le casque d'officier, certaines épées que vous pouviez pas faire également dans Skyrim, mais vous pouvez les faire parce que ça les débloque finalement quand vous arrivez à la forge. Ça c'est vraiment, c'est pas triché, mais ça peut donner beaucoup de pouvoir à votre bonhomme. Ça s'appelle Midas Magic Spell in Skyrim. C'est un mode qui avait été fait dans Oblivion, qui ont ramené aussi en Skyrim. C'est des spells de plus, des sorts qu'on peut avoir qui peuvent être assez destructeurs, des sorts de résurrection entre autres, des rayons de feu, un truc qui ressemble vraiment à un Kamehameha dans Dragon Ball, un jet d'énergie qui est vraiment très fort. C'est qu'on voit vraiment dans les sorts vraiment épiques d'attaques, il y en a beaucoup. Il y en a de toutes les écoles. Vous pouvez faire des nouvelles conjurations, des nouvelles armes comme des dagues, il n'y en avait pas avant. Conjurer une dague, conjurer d'autres créatures. Je pense qu'il y a des créatures qui ont été spécialement faites pour ces sorts-là. Donc, un ajout pour les mages. Il y a des retextures d'armure aussi vraiment intéressantes. Ceux qui n'aiment pas l'armure comme moi de la Dark Brotherhood, il y a vraiment une version ninja. Ok, théoriquement, ça, vous promènerez en ville avec ça, ça serait facile de voir que vous êtes du Dark Brotherhood, mais avec un genre de motif squelette, ça a vraiment de la gueule. Ça, moi, je trouve que l'armure de la Dark Brotherhood dans cette version-là est vraiment pas intéressante, tandis qu'avec ces retextures-là, ça vaut la peine. Bien d'autres modes encore, des modes pour retexturer, pour avoir des meilleurs graphiques en HD, des nouvelles textures d'armure, d'armes. Il y a des trucs plus douteux, on en parlait tantôt. Des trucs pour avoir des corps de personnages nus, plus réels, et même d'autres choses, des fois que je vais même tairais le nom en onde, parce que c'est vraiment plus douteux que ça. Vous pouvez avoir vraiment des choses, autant des choses magnifiques que des choses vraiment douteuses et à la limite très très très vulgaires. Mais vous pouvez trouver de tout. Ma question, moi, c'est les personnes qui développent ça, ils ont quel âge? Ils ont quel âge et combien ils ont de temps à perdre, parce que ça doit leur prendre du temps quand même à développer ça. Je parie que c'est moins de 18. Ah, tu serais surpris. Et d'autres modes encore et encore, dont Wars in Skyrim 4, qui rajoutent des créatures et plus de batailles aléatoires. C'est vraiment des grosses batailles qui se passent sur Skyrim, plus aléatoires. C'est que vous allez rencontrer plus de monde sur les routes, sur des champs de bataille, vous allez en rencontrer pas mal, un autre truc. Donc tout ça, vous pouvez retrouver ça sur le skyrim.nexusmods.com et vous pouvez downloader là un petit logiciel qui va vous permettre de tout installer ça sur votre machine, qui est le mod manager du Skyrim Nexus, puis ça va vous aider, ça va se faire tout seul, des installations aussi faciles. Donc, pour les amateurs de Skyrim qui sont sur PC, qui veulent avoir rejoué, mais avoir un petit plus, cheaté, ou juste avoir une arme de plus intéressante, des nouveaux décors, écoutez, ça vaut la peine d'aller sur ce site-là. Je vous le suggère fortement. On va continuer en musique avec maintenant une chanson du groupe, du défunt groupe Crampe en masse, qui s'appelle Berceuse pour les pas fins. Quelque chose de vulgaire, finalement, mais de drôle. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Crève mon Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et les nouvelles ludiques avec moi-même et Monsieur Andrew Castegan. Et Andrew, tu es fier de nous parler de cette nouvelle-là parce que ça comporte, ça amène un personnage que t'aimes beaucoup, Monsieur Pac-Man. Bien sûr, mon indice très subtil pouvant laisser leurrer vers Shakira. Je suis sûr que tout le monde s'est fait prendre. En fait, il y a eu une annonce qui a été faite dernièrement et j'ai été bombardé par la nouvelle littéralement. Donc, je vais prendre le temps de remercier au moins une des sources qui n'est pas un des sites où je suis abonné, Marc-Camille Carrier. Merci de m'avoir envoyé le lien. Je t'apprécie beaucoup la petite pensée. En fait, il a été annoncé qu'il allait avoir un nouveau dessin animé de Pac-Man, mais pas, je dis dessin animé, mais en fait, ça va être une animation 3D. On parle quand même d'une grosse production. J'ai été surpris en lisant la nouvelle. En fait, on parle d'une série de 26 épisodes qui va être produite par un monsieur Avi Arad, qui est consultant pour Bandai Namco, monsieur Rick Ungar, qui est reconnu pour les séries Spider-Man et X-Men Evolution ou Iron Man des années 80-90, donc déjà au départ, c'est quand même un gros nom de la série du dessin animé. Et on parle aussi de Monsieur Tom Rigger, qui est pour le scénario, qui est la personne qui a rédigé les Animaniacs et Minux et Cortex. Donc, je suis quand même très surpris. Une grosse équipe. À mon avis, ça va avoir du potentiel. Surtout que la compagnie, dans le fond, qui finance l'animation, prévoit un budget d'environ 600 000 $ par épisode. On aime ça. Faites un petit calcul, ça promet. Et on parle d'une sortie pour 2013 et que les droits de diffusion en Amérique du Nord seraient détenus par Disney. Donc, on devrait être capable de l'avoir au Canada. Donc, j'ai très hâte de voir ça. 26 épisodes, donc environ, si on se fie au standard, ça va être deux saisons de Pac-Man. J'ai bien hâte de voir ça. Autre nouvelle, on y va avec les Sims 5. On a entendu parler. SimCity 5. Excusez-moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. SimCity 5 qui est semi-annoncé. On a entendu un peu de rumeurs sur le net, entre autres du multiplayer. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. En tout cas, je trouve ça douteux quand tu essaies de construire ta ville. Moi, je vais faire un flashback sur une chronique que tu as déjà fait. La baisse des qualités des jeux pour l'intégration du multiplayer. C'est ce que j'ai pas. S'il vous plaît, faites pas ça. C'est une série phare pour moi, SimCity, là. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas grande information, seulement qu'on sait que ça s'en vient. On entendait souvent que le développement du jeu Les Sims avait retardé une sortie d'un nouveau SimCity. Mais on va voir ce que ça va donner. On a bien hâte de voir ça, le nouveau SimCity. Une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, un peu hier soir, le nouveau Assassin's Creed 3, la pochette du DVD, bref, du jeu en question serait sortie et on aurait un personnage. Ça se passerait pendant la guerre civile américaine. On a un personnage avec un qui serait un Amérindien, un comme ils disent en anglais, un Native American, avec un tomahawk, un pistolet et un arc. Et vraiment une pause à la Assassin's Creed, donc les deux bras tendus vers le bas avec ses armes. Allez voir ça sur Internet, c'est facile à trouver. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. On change vraiment là, du tout au tout. Et comme on dit certains chroniqueurs sur le net, on a hâte de sauter de toi en toi dans les grandes villes américaines de cette époque-là. Il va en avoir un peu moins que dans les villes italiennes de la Renaissance. Ça va peut-être plus se jouer dans le bois. J'ai hâte de voir, qui sait, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est sorti hier, Assassin's Creed 3, la pochette du DVD. On a bien hâte de voir ça. Et autre nouvelle, Doom 4 ne serait pas mort. Il y a un leak encore des images qui s'est sorti un développeur qui aurait mis ça dans son portfolio sur Internet et ça aurait été relié à Doom 4. Là, il y a plein de rumeurs qui sont parties après ça et il y a un représentant de Bethesda qui est sorti sur le net et qui a marqué qui a dit Doom 4 isn't canceled. Donc, ça n'est pas terminé pour Doom 4, mais on sait pas. Il y a rien encore là. Je vous rapporte des rumeurs, mais ça peut peut-être aider ceux qui n'ont pas aimé Doom 3, qui ont trouvé que c'était un peu loin des deux premiers originaux. Bref, ayons espoir. On va espérer que ça va être meilleur et que ça va venir au monde pour racheter la franchise un peu comme peut-être un nouveau Duke Nukem qui pourrait nous faire oublier Duke Nukem Forever. Autre nouvelle, bêta pour Counter-Strike. Et oui, Valve en a parlé, là, ça va être plus ouvert finalement. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller répondre à un petit sondage sur Steam, mais les gens nous disent qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Ils veulent avoir des joueurs de tous les niveaux sur le bêta de Counter-Strike. Il y a eu des petits changements récemment sur des maps, sur des nouvelles armes aussi qui ont été rajoutées. Et bref, ils veulent élargir le bêta. Et quand on leur demande quand est-ce que Counter-Strike va sortir, quand est-ce que le bêta va se terminer, ils ont dit quand la communauté de joueurs nous dira que le jeu est prêt. Donc, ceux qui veulent aller voir ça sur Steam, allez vous renseigner pour participer au bêta. Si tu me permets, Monsieur Michaud, une petite nouvelle. J'ai eu le flash pendant que tu parlais, ça n'a aucun lien. En fait, la semaine passée, vous vous rappelez, j'avais parlé des systèmes d'exploitation, Windows 8 et tout ça. Juste pour vous avertir, cette semaine, Microsoft a sorti la bêta Consumer Preview de Windows 8, qu'est-ce qui se rapproche plus vraiment de la bêta et non pas une alpha comme la développeur preview. Elle est disponible gratuitement, ouvert à tous. Juste à faire une petite recherche, vous allez arriver sur un site de Microsoft. Puis vous allez pouvoir télécharger le ISO puis l'essayer. Je vous dirais, c'est là-dessus que les chroniqueurs se sont basés quand ils ont dit que Windows 8 serait peut-être pas si mauvais que ça. Puis il paraîtrait que c'est très stable si vous voulez vous faire du fun. Alors, si vous voulez faire votre propre opinion, allez voir, allez googler ça sur Internet pour trouver votre version de Windows 8. Aussi, une annonce prématurée de God of War 4. Il y a un vendeur de jeux vidéo sud-africain qui a comme sorti une date sur son site. Il l'a déjà fait, en fait, ce vendeur-là, pour Mass Effect 3. Ça avait causé bien du rififi. Et je viens de gagner 5$ parce que j'ai fait un pari avec quelqu'un pour plugger ce mot-là à la radio. Bien du rififi sur l'Internet. Lorsque cette nouvelle-là est sortie, ben ils refont le coup. Je sais pas s'ils font par exprès, mais bref, ils parleraient d'un God of War 4, mais ils parlaient aussi de février 2013. Et ça a été vide, ça a vite été enlevé du site parce que il y a du staff de Sony qui ont dit qu'il était en train de travailler sur God of War 4, mais il y a rien qui a été confirmé. Mais ce site-là de vendre, c'est même pas un développeur, là, c'est vraiment ce qu'ils disent, un retailer, donc un vendeur, une boutique de jeux vidéo qui nous dit que février 2013, God of War 4. Donc on verra ce que ça va donner. Pourquoi pas Pourquoi pas. Autre nouvelle, une suite à Pokémon White and Black. Et vraiment, on parle d'une suite, là, pas un reset, un Xème reset du jeu Pokémon, mais on parlerait bien d'une suite, qui serait disponible sur, je pense, la 3DS, mais qui va être aussi jouable sur la DS également. Donc, dans d'autres mots, un jeu de DS jouable sur la 3DS, c'est... Genre. Non, mais ça a quand même surpris beaucoup de monde parce que habituellement ils font pas de suite, mais on nous parle d'une suite directe. Ils ont révélé avec ça des formes d'un Pokémon connu, Kyurem. Malheureusement, moi je suis un vieux de la vieille et je ne joue qu'aux originaux. Mais je connais pas et je suis arrêté aux 150 Pokémon originaux, donc je pourrais pas vous parler en détail des autres. Mais bref, une nouvelle qui est sortie quand même, qui est sortie la semaine passée et on nous annonce ça pour juin 2012. Donc si on est chanceux, on va peut-être l'avoir à Noël, nous autres, en Amérique du Nord. Mais bref, pour les amateurs de Pokémon, quand même intéressant. On a hâte de voir ça, une suite au jeu. Une vraie de vraie. Une autre nouvelle, une date pour Kingdom Hearts. Le prochain qui s'appelle Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. On nous parle d'un lancement le 27 juillet en France. Donc, possiblement pas très loin pour nous. Généralement, quand que les jeux de Kingdom Hearts sortent en France, on parle soit de la même date en Amérique du Nord ou quelques semaines avant. C'est pas si loin que ça, fait que... Mais le pire, c'est que Square a fait une erreur, en fait, c'est qu'ils ont posté ça par erreur sur le site sur le site européen. Ils étaient pas supposés de le dire, mais... Voilà, soyez avertis pour les amateurs de Kingdom Hearts. Vous allez peut-être avoir quelque chose cet été. Mais d'ailleurs, Kingdom Hearts, juste pour dire, il n'y a pas de sortie de vidéo encore, mais il paraîtrait que si quand on finit le jeu, la cinématique de la fin nous annonce quelque chose. Alors pour les amateurs d'animation, les amateurs du jeu, ben ça sera à voir. Attendez quelques mois, puis ça va tout être spoilé sur YouTube. Et voilà. On a tous hâte de voir ça parce qu'il y a quand même des personnages intéressants, puis tu en as parlé souvent à l'émission également. Autre nouvelle, le retour de Jet Set Radio, un classique de la Dreamcast. Je pense que Andrew, t'avais une Dreamcast toi à l'époque. Est-ce que t'avais pu y jouer? Non, parce que ma Dreamcast voulait pas lire le CD, même scénario qu'avec Shenmue 1. Effectivement, c'est plate ça. Donc, mais le retour avec une version, finalement, c'est, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce serait un nouveau Jet Set Radio en HD avec des nouveaux. On serait toujours dans un Tokyo futuriste, même que les développeurs sont en font un concours de graffiti qui pourrait inclure dans le jeu, parce qu'on se rappelle un peu le monde en patin avec musique et graffiti, là. C'est rapidement décrit, là. Mais c'est un peu ça, Jet Set Radio. Puis les développeurs veulent finalement, ont un concours présentement, aller googler ça, trouver ça sur Internet pour pouvoir intégrer peut-être un de vos tags sur la prochaine version de Jet Set Radio, qui est développée bien évidemment par Sega. Et une nouvelle vraiment intéressante. Y aurait-il un retour de Baldur's Gate? Le site a été mis à jour récemment avec des citations un peu random. Entre autres, le 28 février, il y a quelque chose qui est inscrit disant « Shadowy Figure Raised Dead Infinity Engine ». Là, il y a des trucs comme ça. Puis il y a plusieurs rumeurs disant que c'est pas une version. Il y a quelque chose. Je pense que sur Steam, il y a une version qui a été postée récemment de jeu de Baldur's Gate 2, une nouvelle pour les joueurs, les nostalgiques. Mais là, on nous parlerait vraiment d'un nouveau jeu, Baldur's Gate. Et moi, je me rappelle que c'est un excellent jeu. Il y a encore des gens côté RPG qui ne jurent que par Baldur's Gate. Donc, j'ai bien hâte de voir. Moi, j'ai peur que ce soit avec les règles de la 4e édition de Donjons Dragon. J'espère que non. J'espère qu'ils font pas ce gaffe-là. Pathfinder. Ben. Pas nécessairement Pathfinder 1, mais au moins 3.5 au moins, là, mais pas, s'il vous plaît, pas la quatrième. On va aller dans le monde de l'animé pour l'autre nouvelle. Le monde secret d'Arrietty, donc The Secret World of Arrietty, le nouveau film des studios Ghibli, donc ceux qui nous ont amené Princesse Mononoke, Howl's Moving Castle, Ponyo, qui est un aussi, c'est en fait, moi j'ai pas mal toute la collection à la maison, c'est tous des excellents films. Le Château Ambulant, Nausicaa pour les plus vieux de la vieille, et même pour ceux qui savent pas, c'est Hayao Miyazaki, celui un des maîtres de Ghibli, c'est lui qui avait fait Sherlock Holmes, donc le Sherlock Holmes de notre enfance mais version chien. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est lui aussi qui avait fait ça. Donc un nouveau film pour eux qui est un peu sur le thème des emprunteurs. Il y avait déjà une émission comme ça quand j'étais jeune. On retourne avec donc des petites personnes qui vivent dans les maisons, qui empruntent des choses du quotidien pour pouvoir vivre finalement. Et une grande personne, donc quelqu'un, un humain comme nous, un jeune garçon qui est malade, découvre la jeune fille de la famille d'emprunteurs et il est curieux, il veut la connaître. Mais leur expérience sera mise en péril par une méchante finalement qui reste dans la maison. Et j'ai vu un peu de critiques, évidemment c'est encore on dit que c'est un excellent film, toujours des studios Ghibli, là c'est rarement, on entend rarement que c'est un navet, ce genre de film là. Donc à courir dans les cinémas, je sais qu'à Québec il y a le cinéma Le Clap qui les passe souvent, les films des studios Ghibli, donc prochainement là, dès que ça va s'en venir dans le coin, on va sûrement pouvoir avoir ça à Québec. Et on rappelle que c'est Disney qui distribue ça en Amérique du Nord. Autre nouvelle dans le monde de l'animé, pour ceux qui connaissent le jeu, ben la série Tales of de Namco, des excellents jeux de rôle à la japonaise. Mais vous avez Tales of Symphonia qui était sur GameCube, qui était à l'époque une de leurs meilleures éditions dans le fond là, de la série Tales of. Là. Et il y a une version animée qui était sortie en 2007. Ben là, il y a le dernier volume de la série, là, vraiment de la deuxième partie de United World qui va sortir prochainement. Donc pour les amateurs, là, moi j'ai vu la première moitié là, quand ils sont dans le premier monde, et je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine. C'est un bel animé, ça suit la série, ça coupe un peu, mais c'est normal, c'est un jeu qui est très très long quand même, là, qui a beaucoup d'heures de jeu, ça coupe un peu, mais je vous dirais que ça vaut vraiment mais vraiment la peine de pour les amateurs d'animé et les amateurs de la série bien évidemment. Donc suivez ça, là, ça va s'en vient prochainement pour toutes les nouvelles pour l'animé à Anime News Network. C'est là que je vais voir pour les gens qui veulent en avoir tous les jours. C'est un excellent site. Allez voir ça. Donc, c'est tout pour les nouvelles ludiques. J'espère que vous en avez eu pour votre argent. Et on va continuer en musique avec une chanson d'un habitué, finalement, de Puissance Maximale, M. Brental Floss, avec une chanson sur Megaman. Il est accompagné du groupe The Megas, un autre groupe, finalement, qui fait des covers de chansons de jeux vidéo. Et ça s'appelle Gotta Run, Be The One. Et vous écoutez ça à Puissance Maximale, 88.3 à Québec. What if the music from the first and second levels of Wily's Castle in Mega Man 2 had lyrics? What if I sang them in part? but also singing the lyrics and performing the accompaniment was the Megas. What about that? Tell him, Josh. In the year 2000X, Dr. Light created a super robot named Mega Man. Mega Man defeated Dr. Wily once. Now, Dr. Wily has created 8 new robots of his own. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Ah, Normand. Où es-tu donc? Alors, c'était Normand qui nous ramenait à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Va-t-il revenir au Madrid 2.0? Qui sait? Il pourrait venir à Puissance Maximale. Moi, je l'accueillerais par les jeux vidéo et... De choses ludiques avec Normand, n'importe quand. Donc, on va continuer avec la chronique d'Andrew Castegan qui va nous parler d'une... plus vraiment d'une nouveauté, mais parce qu'on a pu le tester, mais c'est Soul Calibur 5. Oui, j'ai eu l'occasion d'essayer le dernier jeu de Namco Bandai au niveau des combats, Soul Calibur 5, franchise très populaire dans l'univers du jeu de combat. Une de mes préférées, personnellement. Ouais, ben en fait, c'est parce que il est facile à prendre en main. Puis pas mal n'importe qui peut jouer à Soul Calibur. Puis quelqu'un qui sait pas jouer, qui fait du fameux button smashing, t'es dans le fond qui appuie sur n'importe quoi. Il trouve son compte aussi. On est capable de le battre pareil, contrairement à d'autres jeux. Ouais. Fait que c'est quand même un jeu très intéressant. Je vous dirais en fait, c'est un peu l'édition du renouveau. si vous me permettez. Oui, parce que tu me disais hors d'onde qu'il y a beaucoup d'anciens personnages qu'on ne revoit pas, finalement. Ben, en fait, c'est que le jeu se passe 17 ans après le quatrième. Donc, des années se sont écoulées et Nightmare est mort, mais n'est plus mort, comme dans sept jeux. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que Namco Bandai a voulu dire « Nous allons laisser la place à une nouvelle génération de combattants, il est temps que les anciens se retirent. » Donc, on retrouve, dans le fond, 16 vétérans des quatre derniers Soul Calibur, ben, qu'est-ce qui est quand c'est, même... C'est déjà un bon nombre. Quand déjà un bon nombre, et pour 10 nouveaux. Donc, dans le fond, qui sont les fils et tout ça des anciennetés. Comme... Je pense que tu disais en plus qu'ils ont comme le même style de combat que leurs parents. Non, on se demande pourquoi. Oui, ben en fait, t'es pour faire un petit topo rapide. C'est l'histoire tourne autour de Patroclus Alexander et Pyrrha Alexandra, qui sont dans le fond les enfants de Sophitia, qui était dans le fond une guerrière grecque dans les autres éditions. Et dans le fond, Sophitia a été retirée de Soul Calibur pour être remplacée par ces deux personnages-là. Déjà à la base, c'est que Pyrrha et Patroclus ont un peu des styles variés de Sophitia, parce que Sophitia a eu des changements de style de combat. Il y a eu Cassandra aussi. Cassandra, exactement. Donc, ils ont comme fait un peu un melting pot de ces deux personnages-là pour faire en sorte qu'ils ont leur propre style à eux, mais inspiré de ces deux combattantes-là. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que Patroclus est, dans le fond, le nouveau élu de Soul Edge, pas Soul Edge, excusez-moi, Soul Calibur, qui est l'épée du bien absolu dans l'univers de Soul Calibur, et dans le fond, il doit tuer le porteur de l'épée de Soul Edge, qui normalement est Nightmare. Qu'on voit... Ça, c'est d'ailleurs un défaut que j'ai trouvé au jeu. C'est que dans l'histoire, Soul Calibur... Ben, en fait, c'est qu'on a... Il y a une histoire, premièrement. Oui, il y a une histoire. Qui a l'air plus claire que dans les y a autres des cinématiques. Ouais. Il y a des cinématiques avec du voice acting, donc des voix et tout ça. Moins de texte un peu que les autres. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que Pyrrha est, dans le fond, une Malfestan, qui est un peu, dans le fond, l'être maléfique qui doit être le porteur de Soul Edge, qui est l'épée diabolique dans Soul Calibur. Et... moi, à la base, je vous dirais, je pense que je jouais avec toi d'ailleurs sur Skype quand je faisais le story mode, et j'étais en train de me dire « Ah, là, c'est sûr, Pyrrha, c'est la nouvelle Nightmare, parce que Nightmare est mort, fait que t'es normalement Soul Edge, il n'y a plus de porteur. » Et Soul Calibur, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans le jeu, dit « Faut que t'aies tué Pyrrha, mais ça a de l'air que Nightmare est là, puis il y a Soul Edge. » D'accord. Bref, c'était pas un spoiler. Mais de toute façon, les story modes des autres jeux de cette série-là ont toujours été quand même assez nébuleux. On n'est jamais sûr qui c'est qui fait quoi, mais bref. OK, un story mode peut-être pas convaincant, mais on se rappelle du 4. Le 4, est sorti, tout a joué sur PlayStation 3, je pense. PlayStation 3, exactement. On sait, moi, j'ai joué au 4, j'ai le 4 à la maison. Disons qu'on veut faire un comparatif au 4, côté graphique, entre autres. Est-ce qu'on a quelque chose de plus léché, de plus beau, ou ça sort pas mal? En fait, on retrouve un système graphique quand même ressemblant au 4. C'est sûr qu'il est un peu plus beau. Je vous dirais, c'est pas vous lancer dans les murs, là, vous serez pas avec une coulée de bave en regardant l'écran en disant « Wow, c'est le plus beau jeu de ma vie que j'ai jamais joué. » Mais il y a quand même une petite amélioration. En fait, je vous dirais, dans le 4, quelque chose qui m'énervait un peu, c'est que des fois, en regardant les décors et les personnages, on pouvait remarquer un peu un genre de nuage de pixels dans le jeu. T'es, quand il y avait de l'action rapide, ça, t'es, des fois, il y avait comme un fog, un brouillard de pixels qui se mettait, comme pour enlever un peu les détails du jeu, pour qu'on voie pas les défauts d'animation. Dans le 5, c'est plus là. Dans le 5, t'es, vous allez garder le plus beau des graphiques du 4 tout le temps. Donc, tu sais, c'est ça pas mal la grosse différence, c'est qu'ils ont... Dans le terme technique, ils ont augmenté l'anti-aliasing, dans le fond, la qualité du grain de pixel dans l'image. Fait que, on voit moins cet élément-là dans le 5. Mais je vous dirais, j'ai été content, mais déçu de Soul Calibur 5. Si vous adorez Soul Calibur 5, vous allez retrouver toute l'expérience que n'importe quel Soul Calibur vous a donné. Parce que le gameplay ne change pas. Je pense que les techniques, le combat reste pas mal c'est le ça, même. Ça reste pas mal le même. Les nouvelles mécaniques de destruction d'armure, tout ça qui avait été racheté dans le 4, ça revient dans le 5. Mais ça caution pas. Ils ont comme été trop prudents. J'ai comme l'impression, ils ont voulu dire on va faire un reboot de la série, Parce que l'objectif du 5, c'était ça. Dire, on va faire un reboot de la série, on va mettre quelque chose de nouveau. Et je trouve qu'ils ont été peut-être un peu trop prudents. Du fait qu'ils avaient peur, justement, peut-être de déplaire aux gens à cause qu'ils enlevaient 10 personnages, ils ont comme pas voulu pousser la mécanique trop loin puis dire, oh, on va faire vraiment un nouveau jeu. Tu sais, juste un exemple, ils avaient fait un teaser, dans le fond, une petite pub où ils disaient que maintenant, dans Soul Calibur, on avait des techniques spéciales, ultra destructrices, qui étaient super faciles à enclencher. Il y en a peut-être une ou deux par personnage, tu sais, c'est pas le gros, là, t'sais, moi je m'attendais vraiment, t'sais, ils ont vraiment... pas révolutionnaire, je veux dire, c'est ça, ajout, t'sais, ils ont rajouté un petit ajout, c'est une petite technique qui fait plus mal que les autres, mais t'sais, je m'attendais à vraiment voir l'animation, la grosse technique, puis t'sais, c'était vraiment, t'sais, moi je me disais, c'est le personnage qui est dans la merde, t'sais, dans le fond, t'sais, le personnage qui est trop bas de vie, probablement qu'il va pouvoir lancer ça pour essayer de revirer le combat. Ça aurait été intéressant comme mécanique, t'sais, comme un peu un mode berserk à cause de ta veille de mourir. Il y a beaucoup de jeux de combat qui font ça, puis dans le fond, c'est pas ça, c'est vraiment un compteur à côté de ta barre de vie. Si tu montes à deux, tu déclenches une technique, elle fait plus mal, that's it. Comme un peu les jeux à la Street Fighter. Ou encore à la Naruto Ultimate, ouais, Ninja. Ça. C'est que t'as une barre, ta charge, tu lances une attaque. Super technique, et voilà, ok. C'est ça, t'es. Et ça, c'est justement un élément que j'ai trouvé plate parce que c'est un ajout qui avait beaucoup de potentiel, puis ils l'ont pas utilisé comme ils ont laissé présager qu'ils allaient le faire. Pour le gameplay, tu nous dis que ça ressemble pas mal, mais y a-tu des nouveautés dans le jeu? On connaît le multiplayer traditionnel, il y avait le story mode, il y avait l'arcade, il y avait aussi la tour qu'on pouvait faire, qu'on avait plusieurs avec des challenges, mais y a-tu des nouveautés à ce niveau-là ou ça reste pas mal la même affaire? Ben, en fait, ils ont enlevé du stock, contrairement aux anciens, le fameux mode la tour, comme t'appelles, n'est plus là, donc on n'a plus de chapitre où on peut se créer un personnage ou prendre un personnage existant, puis on a un long chemin pour débarrer les armes dans le fond, comme il y en a les autres. Ils ont plus ça, ils ont mis ça par un mode offline play. Okay. Qui est comme dans le fond le même système que le online, sauf au lieu de voir des joueurs réels, c'est des joueurs générés par l'ordinateur. Ouais, mais il y avait ça un peu dans le cadre déjà. C'est ça, sauf mais... qu'ils ont uniquement mis ça. Donc ça, c'est une autre petite déception à ce niveau-là. Sinon, pour ça, le reste, c'est quand même relativement standard. Ils ont rien changé, ils ont pas réinventé la roue encore une fois. Et quand je disais qu'ils ont été trop prudents, comme je disais, les 10 nouveaux personnages, c'est du copier-coller identique des personnages qu'ils ont enlevés. T'es comme un exemple, il y a Taki, qui était un personnage qui était très populaire pour les fans de la série, qui jouait dans le fond avec deux Kodachi, je me rappelle plus c'est quoi exactement des Kodachi, je pense. En fait, Taki, elle avait deux Tonfa. Ah non, c'est ça, Taki, la ninja. Ouais, deux petits sabres qui étaient tout le temps rengainés. Puis dans le fond, elle les sortait uniquement pour se battre, pour les rengainer. Puis là, elle a été remplacée par Natsu. Et dans le fond, Natsu apporte le même suit, c'est juste qu'au lieu d'avoir les cheveux noirs ou bruns, elle est blonde. Puis sinon, c'est le même. Ok, on voit. Elle a exactement la même attitude, elle a exactement le même caractère. Et son ennemi juré, c'est Mitsurugi. Ouais. c'est. Puis en même temps, Natsu, quand je l'ai vu, je me dis, bon, c'est sûr que c'est la fille de Tetaki ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est une fille qui contient un démon et son maître, c'est Tetaki. Bon, okay. C'est comme. Ok. Mais ils font même pas d'élaboration là-dessus, c'est genre juste comme ça. Fait que, toutes des affaires comme ça, les personnages, aucun personnage a vraiment étonné, les nouveaux, à part les deux personnages principaux, il n'y a pas vraiment de grande démarcation. Mais comme je vous dis, si vous êtes un fan de la série, vous voulez un bon fighting, c'est un jeu qui vaut la peine, mais si vous êtes vraiment mordu de Soul Calibur, d'histoire de Soul Calibur, puis vous vous dites « je vais l'acheter pour savoir la suite de l'histoire », vous allez être très déçu de la chose. Mais bref, c'est un bon jeu de combat. C'est pas un échec total, mais faut pas s'attendre à une révolution. C'est ça. Fait que, je vous dirais... Peut-être attendre en location ou même qu'il soit moins cher en usage. Ben moi, je vous dirais que je l'ai loué, je suis très satisfait de la location. Au début, je prévoyais me l'acheter, mais maintenant, je me rends compte que la location, c'est bien en masse. Sinon, usager, probablement, je vous dirais que ça serait la meilleure chose à faire ou attendre qu'il baisse de prix. Et voilà, le jugement d'Andrew Castagan est tombé. Et merci Andrew pour ta chronique. On va finir l'émission avec une incroyable chanson, une chanson qui vous parle des choses de la vie, qui s'intitule « Le feu, ça brûle » par Charlie et Lulu, des artistes français. Ça date un peu comme chanson, mais vous allez voir, c'est plein de vérité. Alors vous attendez ça à Sequoia FM 88.3 à Québec. Vous écoutez « Puissance maximale ». Le feu, ça brûle. Ça mouille, tous les oiseaux volent dans le ciel. Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Alors, merci Isaac de ces mots qu'elle a avec la chanson, des mots de grande pensée philosophe. Merci de ces bons mots. Et maintenant, c'est la fin, malheureusement déjà, de Puissance Maximale. Et on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je voudrais remercier toute l'équipe de Puissance Maximale, M. Andrew Castegan. Toujours un plaisir. J'espère bien. Merci Andrew. Et merci à Vanessa Maillot à la console. Comme à chaque semaine, merci pour la mise en onde. Et mon nom à moi, c'est Michael Michaud, votre humble serviteur à l'animation de Puissance Maximale. Vous rappelez encore une fois, Puissance Maximale, c'est un site internet www.puissancemaximale.com. Vous nous retrouvez sur Facebook et prochainement sur Google+ également. J'y travaille. Merci Andrew. Et pour les anciennes émissions, des podcasts qu'on a déjà fait, des petites chroniques également qu'on a fait. Et même nous jaser, vous allez là-dessus. Sur Facebook, envoyez-nous des suggestions, commentaires. Vous avez quelque chose d'intéressant à parler, quelque chose de ludique. Vous voulez venir nous voir, nous jaser de votre passion, l'émission. Écrivez-nous, on va se parler sur les internets et on va s'organiser quelque chose ensemble. Ça va nous faire plaisir. En vous rappelant que l'émission qui suit est La Bande originale avec M. Benoît Quentin, une émission sur la musique de film. Restez à l'écoute sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et on finit ça en vous disant, passez une belle semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we One, two, three, four, yeah!